La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors, salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du dimanche 30 septembre 2018. Heureux de vous retrouver ce soir avec une émission consacrée à un projet réalisé au milieu des années 90, un projet intitulé La Selva de l'artiste sonore de réputation internationale Francisco López. D'origine espagnole, López marque depuis une trentaine d'années l'univers des arts sonores avec des enregistrements très singuliers d'environnements naturels basés sur l'écoute profonde, ce que les spécialistes appellent le « deep listening ». Francisco López a réalisé des centaines d'installations sonores, des projets de field recording, évidemment, et de nombreuses performances. Il est directeur depuis une dizaine d'années de la Phonothèque d'art sonore de Madrid, qui s'appelle SONEM. Je vous propose donc ce soir les extraits d'une longue plage sonore qui dure plus de 70 minutes, réalisée par López au cours des années 95-96 et intitulée « La Selva, la forêt ». La Selva est une immersion dans les environnements sonores d'une forêt tropicale située dans les basses terres du Costa Rica. Le projet de López déploie un réseau sonore naturel vraiment étonnant, créé par une multitude de sons provenant de la pluie, des cascades, des insectes, des grenouilles, des oiseaux et des plantes. Tout ça est capté tout au long d'une journée pendant la saison des pluies. Il s'agit d'un puissant environnement sonore qu'il appelle acousmatique à large bande, propice à une écoute profonde, cette attitude qui consiste à développer une conscience accrue des sons qui nous entourent. Comme le souligne Francisco López, en dépit d'une tendance actuelle largement répandue dans le domaine de l'art sonore et de la norme habituelle dans les enregistrements de nature, je crois en la possibilité d'une écoute pure et aveugle des sons, dit-il, libérée autant que possible de références contextuelles ou intentionnelles. Plus important encore, je conçois cela comme une forme d'écoute transcendantale, idéale, qui ne nie pas du tout ce qui est en dehors des sons, mais qui explore et affirme tout ce qui est en eux. Alors, cette conception puriste et absolue est une tentative de lutter contre la dissipation de notre monde intérieur. Alors voilà, trêve de présentation, on écoute ensemble un premier long extrait de La Selva de Francisco López. Thank you. CKRL. Communication. Culture. Vous, mon ange et ma passion. Afghanistan, Albanie, Algérie, Argentine. Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres hommes sur la musique. Chine, étoile de mes yeux, Congo, soleil de ma nature. Côte d'Ivoire, vous, mon ange et ma passion. Haïti, l'Inde, l'Irak, l'Iran, Ghana, Guinée, l'Éthiopie, Malaisie, Mali. La Commission nationale consultative des droits de l'homme appelle les personnalités publiques à veiller à ne tenir aucun propos raciste, xénophobe ou stigmatisant à l'égard d'une population particulière. Ils sont bouddhistes, hindous, catholiques, chrétiens, musulmans. Ils parlent anglais, bengali, ourdou, chinois. Ils parlent arabe, français, russe, albanais, tamil, turc, vietnamien, philippines, Russie, CKRL. Où l'espace est plus beau et plus profond. Slovénie, Soudan, point QC, Sri Lanka, Syrie, point CA. La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Vous voulez voir la revue à la télé ? Alors, on est de retour sur les ondes de CKRL, le 89,1, la Croche-Oreille. On poursuit l'écoute du projet intitulé La Selva de l'artiste sonore de réputation internationale Francisco Lopez. Alors, réalisée au milieu des années 90, La Selva est une immersion dans les environnements sonores d'une forêt tropicale située au Costa Rica, une immersion dont la philosophie est d'augmenter notre niveau d'attention et de conscience à l'égard de l'environnement sonore en général. Alors, comme le raconte Francisco Lopez dans un long texte accompagnant ce projet de field recording, et là j'ouvre les guillemets, il y a beaucoup de sons dans la forêt, mais on a rarement la chance de voir les sources de la plupart d'entre eux. Il n'y a pas que la multitude des animaux qui est cachée dans le feuillage. Le feuillage se cache aussi, éloignant de notre champ de vision une multitude de sources sonores. De nombreux animaux de la selva vivent dans ce monde acousmatique où la règle est de ne pas voir leurs congénères, leurs prédateurs ou leurs proies, mais simplement de les entendre. Cette caractéristique acousmatique est parfaitement illustrée par l'un de nos sons les plus caractéristiques et les plus répandus de la selva, le chant frappant et dur des cigales. Alors, au cours de la journée, c'est probablement le son le plus typique qui se trouve naturellement au premier plan du chant sonore. On peut le percevoir avec une intensité, une proximité étonnante. Pourtant, comme un paradoxe persistant, vous ne la voyez jamais. Alors, je pense que cela résume fort bien toute la philosophie d'écoute de nos univers quotidiens que nous propose Francisco Lopez, un monde sonore à large bande qu'il nomme acousmatique environnementale. Alors, tout le projet de Francisco Lopez vise à déboulonner certains mythes relatifs à la quiétude du monde naturel. Il raconte une autre conception répandue des environnements sonores de la nature, dit-il, les considère comme des endroits calmes, des îlots de tranquillité. Bien que cela puisse être vrai pour certains environnements naturels et dans certaines conditions, je pense que cette compréhension conduit à une vision bucolique de la nature que je ne partage pas, dit Francisco. La selva, comme beaucoup d'autres forêts tropicales, est l'antithèse de cette vision. La selva est un milieu très bruyant, voire agressant. La multitude de sons provenant de l'eau, ainsi que l'incroyable réseau sonore créé par les appels intenses des insectes ou des grenouilles, constitue un environnement sonore à large bande d'une complexité saisissante. Les textures sonores qui en résultent sont extrêmement riches, avec de nombreuses couches sonores qui fusionnent et se révèlent par addition. À mon sens, et c'est Francisco Lopez qui poursuit, cela contribue certainement à élargir notre compréhension auditive de la nature, non pas à la nier, mais à adopter une conception plus complète, libérée de notre jugement et de nos catégorisations parfois simplistes. Je suis certainement du côté de ceux qui défendent la qualité sonore immaculée, mais essentiellement parce que je pense que nous devrions éviter l'intrusion sonore qui conduit à une homogénéisation du son, poursuivant ainsi cette idée de conserver la diversité sonore dans le monde. C'est dans le même esprit, complète Lopez, que je défends également la préservation et l'amélioration de la diversité des environnements et des dispositifs sonores créés par l'homme. Alors, des propos fort intéressants sur l'écologie du son dans la vie de tous les jours. Alors, on poursuit ensemble l'écoute d'un long extrait de La Selva de Francisco Lopez. Thank you.

Alors voilà ce qui complète l'accroche-oreille pour ce soir. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site l'accroche-oreille.wordpress.com pour repérer les sources sonores de l'émission. Et vous pouvez également me faire vos commentaires ou vos suggestions simplement en m'écrivant à accroche-oreille@gmail.com. Je vous dis à la semaine prochaine sur les ondes de CKRL et d'ici là, eh ben, soyez attentifs aux sons autour de vous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. L'accroche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique.